Chapitre deuxième. Il avait résolu d'aller rendre visite à la signora Dorothée, femme de l'avogador Pascal Higo. Cette dame, respectable par son âge, était des plus riches et des plus spirituelles de la République. Elle était en outre marraine de Pipo, et comme il n'y avait pas une personne de distinction à Venise qu'elle ne connût, il espérait qu'elle pourrait l'aider à éclaircir le mystère qui l'occupait. Il pensa toutefois qu'il était encore trop matin pour se présenter chez sa protectrice, et il fit un tour de promenade en attendant sous les procuraties. Le hasard voulut qu'il y rencontrât précisément Mona Bianchina, qui marchandait des étoffes. Il entra dans la boutique et, sans trop savoir pourquoi, après quelques paroles insignifiantes, il lui dit « Mona Bianchina, vous m'avez envoyé ce matin un joli cadeau, et vous m'avez donné un sage conseil. Je vous en remercie bien humblement. » En s'exprimant avec cet air de certitude, il comptait peut-être s'affranchir sur le champ du doute qui l'avait tourmenté. Mais Mona Bianchina était trop rusée pour témoigner de l'étonnement avant d'avoir examiné s'il était de son intérêt d'en montrer. Bien qu'elle n'eût réellement rien envoyé au jeune homme, elle vit qu'il y avait moyen de lui faire prendre le change. Elle répondit, il est vrai, qu'elle ne savait de quoi il lui parlait. Mais elle eut soin, en disant cela, de sourire avec tant de finesse et de rougir si modestement que Pipo demeura convaincu, malgré les apparences, que la bourse venait d'elle. « Et depuis quand, lui demanda-t-il, avez-vous à vos ordres cette jolie négresse ?» Déconcerté par cette question et ne sachant comment y répondre, Mona Bianchina hésita un moment, puis elle partit d'un grand éclat de rire et quitta brusquement Pipo. Resté seul et désappointé, celui-ci renonça à la visite qu'il avait projetée. Il rentra chez lui, jeta la bourse dans un coin et n'y songea pas davantage. Il arriva pourtant quelques jours après qu'il perdit au jeu une forte somme sur parole. Comme il sortait pour acquitter sa dette, il lui parut commode de se servir de cette bourse, qui était grande et qui faisait bon effet à sa ceinture. Il la prit donc, et le soir même, il joua de nouveau et perdit encore. « Continuez-vous ? » demanda Ser Vespasiano, le vieux notaire de la chancellerie, lorsque Pipo n'eut plus d'argent. « Non, répondit celui-ci, je ne veux plus jouer sur parole. « Mais je vous prêterai ce que vous voudrez, » s'écria la comtesse Orsini. « Et moi aussi, » dit Ser Vespasiano. « Et moi aussi, » répéta d'une voix douce et sonore une des nombreuses nièces de la comtesse. « Vous rouvrez votre bourse, seigneur Vecellio. Il y a encore un sequin dedans. » Pipo sourit et trouva en effet au fond de sa bourse un sequin qu'il y avait oublié. « Soit, » dit-il, « jouons encore un coup, mais je ne hasarderai pas davantage. » Il prit le cornet, gagna, se remit à jouer en faisant paroli. Bref, au bout d'une heure, il avait réparé sa perte de la veille et celle de la soirée. « Continuez-vous, » demanda-t-il à son tour à Ser Vespasiano, qui n'avait plus rien devant lui. « Non, car il faut que je sois un grand sot, de me laisser mettre à sac par un homme qui ne hasarderait qu'un sequin. Maudite soit cette bourse, elle renferme sans doute quelque sortilège. » Le notaire sortit furieux de la salle. Pipo se disposait à le suivre lorsque la nièce qui l'avait averti lui dit en riant « Puisque c'est à moi que vous devez votre bonheur, faites-moi cadeau du sequin qui vous a fait gagner. » Ce sequin avait une petite marque qui le rendait reconnaissable. Pipo le chercha, le retrouva. Il tendait déjà la main pour le donner à la jolie nièce, lorsqu'il s'écria tout à coup « Ma foi, ma belle, vous ne l'aurez pas. Mais pour vous montrer que je ne suis pas avare, en voilà 10 que je vous prie d'accepter. Quant à celui-là, je vais suivre un avis qu'on m'a donné dernièrement, et j'en fais cadeau à la Providence. » En parlant ainsi, il jeta le sequin par la fenêtre. « Est-il possible, pensait-il en retournant chez lui, que la bourse de Mona Bianchina me porte bonheur? Ce serait une singulière raillerie du hasard, si une chose qui en elle-même est désagréable avait une influence heureuse pour moi. » Il lui sembla bientôt en effet que toutes les fois qu'il se servait de cette bourse, il gagnait. Lorsqu'il y mettait une pièce d'or, il ne pouvait se défendre d'un certain respect superstitieux, et il réfléchissait quelquefois, malgré lui, à la vérité des paroles qu'il avait trouvées au fond de la boîte. « Un sequin est un sequin, » se disait-il, « il y a bien des gens qui n'en ont pas un par jour. » cette pensée le rendait moins imprudent et lui faisait un peu restreindre ses dépenses. Malheureusement, Monna Bianchina n'avait pas oublié son entretien avec Pippo sous les procuraties. Pour le confirmer dans l'erreur où elle l'avait laissé, elle lui envoyait de temps en temps un bouquet ou une autre bagatelle accompagnée de quelques mots d'écrit. J'ai déjà dit qu'il était très fatigué de ces importunités auxquelles il avait résolu de ne pas répondre. Or, il arriva que Monna Bianchina, poussée à bout par cette froideur, tenta une démarche audacieuse qui déplut beaucoup au jeune homme. Elle se présenta seule chez lui pendant son absence, donna quelque argent à un domestique et réussit à se cacher dans l'appartement. En rentrant, il la trouva donc et il se vit forcé de lui dire, sans détour, qu'il n'avait point d'amour pour elle et qu'il la priait de le laisser en repos. La Bianchina, qui, comme je l'ai dit, était jolie, se laissa aller à une colère effrayante. Elle accabla Pippo de reproches, mais non plus tendres cette fois. Elle lui dit qu'il l'avait trompée en lui parlant d'amour, qu'elle se regardait comme compromise par lui et qu'enfin elle se vengerait. Pippo n'écouta pas ses menaces sans s'irriter à son tour. Pour lui prouver qu'il ne craignait rien, il la força de reprendre à l'instant même un bouquet qu'elle lui avait envoyé le matin et comme la bourse se trouvait sous sa main. « Tenez, lui dit-il, prenez aussi cela. Cette bourse m'a porté bonheur. Mais apprenez par là que je ne veux rien de vous. » À peine eut-il cédé à ce mouvement de colère qu'il en eut du regret. Monna Bianchina se garda bien de le détromper sur le mensonge qu'elle lui avait fait. Elle était pleine de rage, mais aussi de dissimulation. Elle prit la bourse et se retira, bien décidée à faire repentir Pippo de la manière dont il l'avait traitée. Il joua le soir comme d'ordinaire et perdit. Les jours suivants, il ne fut pas plus heureux. Ser Vespasiano avait toujours le meilleur dé et lui gagnait des sommes considérables. Il se révolta contre sa fortune et contre sa superstition. Il s'obstina et perdit encore. Enfin, un jour qu'il sortait de chez la comtesse Orsini, il ne put s'empêcher de s'écrier dans l'escalier « Dieu me pardonne, je crois que ce vieux fou avait raison et que ma bourse était ensorcelée, car je n'ai plus un dé passable depuis que je l'ai rendu à la Bianchina. » En ce moment, il aperçut, flottant devant lui, une robe à fleurs d'où sortaient deux jambes fines et lestes. C'était la mystérieuse négresse. Il doubla le pas, l'accosta, et lui demanda qui elle était et à qui elle appartenait. « Qui c'est ?» répondit l'Africaine avec un malicieux sourire. « Toi, je suppose, n'es-tu pas la servante de Monna Bianchina ?»« Non. Qui est-elle, Monna Bianchina ?» Et par Dieu, celle qui t'a chargé l'autre jour de m'apporter cette boîte que tu as si bien jetée sur mon balcon. Oh, excellence, je ne crois pas. Je le sais, ne cherche pas à feindre, c'est elle-même qui me l'a dit. Si elle vous l'a dit, répliqua la négresse d'un air d'hésitation. Elle haussa les épaules, réfléchit un instant, puis, donnant de son éventail un petit coup sur la joue de Pippo, elle lui cria en s'enfuyant, mon beau garçon, on s'est moqué de toi. Les rues de Venise sont un labyrinthe si compliqué, elles se croisent de tant de façons, par des caprices si variés et si imprévus, que Pippo, après avoir laissé échapper la jeune fille, ne put parvenir à la rejoindre. Il resta fort embarrassé, car il avait commis deux fautes. La première, en donnant sa bourse à Bianchina, et la seconde, en ne retenant pas la négresse. Errant au hasard dans la ville, il se dirigea, presque sans le savoir, vers le palais de la signora Dorothée, sa marraine. Il se repentait de n'avoir pas fait à cette dame, quelque temps auparavant, sa visite projetée. Il avait coutume de la consulter sur tout ce qui l'intéressait, et rarement il avait eu recours à elle sans en retirer quelque avantage. Il la trouva seule dans son jardin, et après lui avoir baisé la main, « Jugez, lui dit-il, ma bonne marraine, de la sottise que je viens de faire. » On m'a envoyé il n'y a pas longtemps une bourse. Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la signora Dorothée se mit à rire. « Eh bien, lui dit-elle, est-ce que cette bourse n'est pas jolie? Ne trouves-tu pas que les fleurs d'or font bon effet sur le velours rouge? Comment ? S'écria le jeune homme. Se pourrait-il que vous fussiez instruite ? » En ce moment, plusieurs sénateurs entraient dans le jardin. La vénérable dame se leva pour les recevoir et ne répondit pas aux questions que Pipo, dans son étonnement, ne cessait de lui adresser.